Les jeunes qui sont rendus, je sais pas quel âge, que c'est, cégep, là, ça fait longtemps. Les jeunes qui sont rendus à pouvoir décider s'ils veulent lâcher ou non. Pour les parents, souvent, c'est un choc quand tu veux lâcher ou trop lâcher. Pour l'enfant, de continuer dans une situation où il ne voit pas d'ouverture, ça fait partie de son expérience. Il dit, comprenez une chose, c'est que l'enfant peut toujours revenir à l'école du soir. Fait que souvent, c'est bon si l'enfant décide de prendre une année off, une année sabbatique, puis se promener avec son sac sur le dos pour aller faire un voyage. Au bout d'un an, là, quand tu vas avoir passé son expérience, puis tu vas aller coucher dans les rues, puis tu vas coucher dans les hôtels, là, ça, il va être grand. Là, il va réavoir le goût de l'étude. Mais souvent, ça peut prendre 2-3 ans avant qu'il reprenne le goût de l'étude. Il dit, comme tu peux toujours réétudier tant que t'es jeune, là, l'enfant peut toujours revenir. Il dit, les parents ne devraient pas casser trop en tête avec cette expérience-là. Tout ça fait partie de la société d'aujourd'hui. Ça fait partie des problèmes sociaux. Les parents et les enfants. Il dit, les parents ne devraient pas se couper pour rien. Trop. Si les parents peuvent faire barrière à l'enfant qui devrait peut-être continuer, ça marche, tant mieux. Mais s'il y a trop de résistance, à ce moment-là, c'est tout inutile de parents de presser pour rien. Donner une chance à l'enfant de prendre une année sabbatique, de revoir et de remesurer cette affaire l'année après ou dans 2 ans. Parce qu'il dit l'éducation, c'est pas aussi important qu'on pense. C'est important dans le cadre de la société inconsciente. Puis dans le cadre d'une vie consciente, l'éducation, c'est plus important. Alors, l'éducation, tu l'oublies. Ta trigonométrie, un jour, tu l'oublies, ta géométrie, tu l'oublies, tu n'as plus grand-chose, tu es mort. Quand tu es contacté, mais tu ne restes plus rien. Je ne sais même plus quand tu dis ça. Tu comprends, tu ne restes plus rien. Mais tu as d'autres choses. Ça fait partie de la commotion. Non, mais souvent, les enfants, les parents qui poussent leurs enfants. Oh, laisse bien finir ça, Gretchen. Il dit qu'on a plus d'intelligence qu'on pense. Puis les enfants, éventuellement, les nouveaux enfants, les jeunes enfants, découvriront aussi leur intelligence. Mais il dit, ce qui n'est pas bon, c'est que les parents souffrent trop pour rien. De l'évolution de leurs enfants. Ça te donne qu'il y a une relation intelligente entre le désir des parents et le désir des enfants, tant mieux. Et c'est pas de même. Les parents ne devraient pas trop se concentrer, et les enfants devraient faire un petit peu ce qu'ils veulent commencer à expérimenter. Parce que la vie, c'est très vaste, l'expérience est très vaste. Puis on a beaucoup plus d'intelligence qu'on s'imagine. L'éducation, c'est pas d'intelligence. C'est de la formation intellectuelle. C'est une bonne mémoire. Dans toutes les consciences, le jeune qui parle, tu sais que c'est pas aussi important que ça, l'école, tu lui remets la responsabilité à lui. C'est lui qui fait son choix. C'est son expérience. Quand il a vécu pendant 2 ans, là, qu'il a pas ça dans ses poches, sur le poignet d'hiver, pas de linge, quelque part, hein? Bon. Il repense là. Et ça fait partie de l'expérience des enfants d'aujourd'hui. Tu peux mettre tous les jeunes responsables de ton métier. Tu peux te mettre très jeune, seulement que plus tu descends dans l'échelle de sa jeunesse,

Si un enfant ne va pas à l'école, c'est parce qu'il n'a pas été donné de l'énergie par les parents. C'est pas à faute de la société, c'est pas à faute de l'école. C'est à faute des parents. Si un talent, s'il n'y a pas de talent, un parent va avoir de l'énergie à donner à un enfant s'il sent qu'il a un talent. Je dis, y a-t-il des conditions? Il dit non. Moi, je me rappelle quand j'étais petit gars, ma mère, elle se levait le matin. Moi, ça s'attendait que j'étais mort. Elle se levait le matin, là. Qu'est-ce que je faisais en ce temps-là? Jamais j'ai l'examen. Là, à 6h du matin, elle me levait, elle me demandait mes questions, mes réponses. Elle me suivait. Mais elle me suivait. Et elle me suivait. Elle me suit encore. Ah, moi aussi, quand elle était. Quand je te tiens, je me suivais. L'énergie, on me donnait de l'énergie. L'énergie. Ah, pas d'éducation. Elle avait de l'énergie. C'est ça l'amour qu'on doit avoir vraiment. Pas une l'amour sentimental. Les gens sont dans l'amour sentimental. Le beurre de caramel. Il y a des parents qui c'est plein de beurre de caramel de leurs enfants, puis les enfants, ça fait rien. Ils n'ont pas rien. Ils ont été eu du beurre de caramel pendant des années de temps. Ça fait des bruits. Quand ils sont rendus devant le jeu, la main là-dedans, ben tiens, j'ai pas passé pour en faire tant de pain. Mais ça, t'as la police. C'est pas possible! Fin du caramel. Les enfants, faut que tu leur donnes de rien de temps en temps, faut que tu rebalances ça, que tu leur donnes de l'énergie d'un autre moment. Ok, inquiète pas, les enfants vont passer à ce moment. Mais quand ils sont jeunes, ils ne peuvent pas choisir. Comme la petite, je disais, j'étais à ma femme, je l'envoie à l'école en tête l'année prochaine. Oh, t'as pas intéressé à l'école. Là, naturellement, elle a ses petites cœurs à l'école française. Elle n'a pas la volonté, puis la vision plus tard que si ça parle deux langues, trois langues, quatre langues, elle pleure. Elle se voyait à le monde, si tu veux. Quand tu y parles, tu y parles, tu y parles. Là, c'est l'école en anglais. L'école en anglais. Ah oui, d'accord. Tu les prépares. Je ne sais pas trop faire ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est des petits animaux. Quand ils sont petits. Il dit qu'on est bien disconnecté de la réalité des affaires. On est disconnecté de notre réalité, même de la réalité des affaires. On ne se connaît même pas nous-mêmes, même nous, on connaît des petits qui ne savent même pas parler. Ça a pris une autre pour me dire qu'elle avait des talents de pianiste, sans ça, je l'aurais reçu. On ne connaît pas nos enfants. Parce qu'on ne se connaît pas soi-même. On ne se connaît pas soi-même, on connaît pas nos enfants. Les enfants sont frustrés. Au bout. Les jeunes. On dit à 15 ans, 16 ans, ils veulent sortir de la frustration, puis c'est qu'ils font du sport. Thank you. Parce que quand tu fumes du pot, tu te frustres temporairement. Tu te refrustes après. Comme tu ne connais pas l'expérience du pot, tu sais pas ce que c'est. Tu sais, quand tu jamais fumé du pot, tu n'as pas d'idée qu'est-ce que c'est du pot. Quand il a fumé une fois, il sait qu'est-ce que c'est. Et comme il ne sait pas qu'est-ce que c'est, tout le monde qui fume du pot, qui sont tous frustrés, qui veulent tout avoir le même là, qui veulent avoir les autres dans le même bateau que toi, des extrêmes, ça c'est fantastique. L'autre, il l'a fait. C'est pas fantastique. Ça fait un autre frustré là-bas. Il y a des artistes, il se prend une guitare. Nos enfants sont très frustrés. Il dit, ça commence en bas âge. Il faut qu'on sache nous-mêmes, il faut qu'on la connaisse, la frustration, puis il faut qu'on le sache, nous autres, pour pouvoir donner à nos enfants de l'énergie pour empêcher leur frustration. C'est comme ça que vous empêchez vos enfants d'être frustrés, c'est en leur donnant de l'énergie. Avec une société violente qui devient de plus en plus violente comme on a. Si, quand tu donnes de l'énergie, c'est l'énergie de l'âme. Donner de l'énergie à un enfant, c'est pas. Comprenez les pistes. Donner de l'énergie à un enfant, c'est pas faire ses capotés. Ça c'est bien intéressant. Je suis content. Donner de l'énergie à un enfant, c'est donner de toi-même à l'enfant. C'est pas donner à l'enfant. C'est donner de toi-même, de ton temps à l'enfant. C'est descendre. Te descendre à son niveau à lui. C'est ça, donner de l'énergie. C'est descendre à son niveau à lui. Fait que c'est un parent, puis lui, il a 8 ans. Ben, il y a une façon pour toi de descendre à son niveau à lui, c'est en allant jouer au baseball avec lui. Tu lui donnes de l'énergie. S'il dit, va jouer avec tes petits amis dehors, tu lui donnes pas d'énergie, tu t'en débarrasses. Pas pareil. Puis il y a bien des parents qui font ça. Les petits sont tous dehors, là, puis ils jouent tous ensemble. Il n'y a pas un adulte, là. Mais donner de l'énergie à un enfant, c'est quand il faut qu'il y ait un adulte avec l'enfant. Tout le temps. Si tu descends au niveau de l'enfant, si tu joues au baseball, si tu joues au hockey, tu joues au hockey avec. Ça, c'est donner de l'énergie à l'enfant. C'est important pour l'enfant qui ne sent pas que le parent fasse ça juste pour l'amuser, mais que le parent participe vraiment avec lui. L'enfant peut sentir que le parent vient là juste pour l'amuser. Ça dépend de ce que vous appelez, vous autres, la sincérité. Mais quand tu es conscient, le phénomène de sincérité n'existe pas, parce que quand tu es conscient, tu agis au niveau de l'âme. Quand l'énergie descend, tu es tout dedans. Donc moi, si j'avais un petit gars, j'y ai un petit gars, au hockey avec mon petit gars, je joue au hockey pour le vrai. Tu joues pas le jeu quand t'es conscient. Non. OK, là? Mais l'enfant, il peut ressentir ça vraiment mieux par là. Tu sais, je suis content que tu l'amènes. Quand t'es conscient, t'es au niveau de l'énergie de ton âme, tu te fais aller jouer avec l'enfant, tu joues pas le jeu. Tu joues au hockey avec le petit. Tu veux gagner. Comprends-tu ce que je veux dire, là? Tu joues réellement avec le petit. Il sent. Ah, certain qu'il sent. Si tu y vas là juste pour l'amuser, il va te sentir aussi. Ouais, ouais, il va te sentir. C'est pas d'énergie à l'enfant. Ça, c'est le débarrasser de l'enfant d'une façon pas. Et pour donner de l'énergie à un enfant, tu es obligé d'avoir la patience. Tu ne peux pas donner de l'énergie à un enfant si tu n'as pas de la patience, si tu n'es pas dans l'état de patience. Parce que vous, quand tu as 40 ans, vous, OK, tu OK, mais peut-être, hein? C'est pas tellement ta vibration. Mais elle devient ta vibration pour quelques minutes, hein? Ou pour une heure, suivant le temps qu'il te met. Quand il coupe, c'est final. Tu peux plus voir, OK? Là, l'enfant dit, papa, continue. C'est final, tu t'en vas. Tu continues pas pendant 2 heures. Parce que faut pas que tu partes ta centricité avec elle. Fait que t'es dans la vibration, tu joues au hockey. Quand tu coupes eux autres en haut, c'est fini le hockey. Comment que le petit voudrait jouer au hockey, c'est fini. Demain, on jouera demain. Mais pendant que tu joues, par exemple, tu as joué. Après ça, il va se retasser parce qu'il est déçu un petit peu, parce qu'il est astral, puis il veut continuer. Il a tiré d'un pied, il en un pouce. Un pouce, t'en en veut un pied. Tout le temps, c'est un point important. Tu peux pas jouer de game. Moi, des fois, je fais du karaté avec la petite. Puis, faut que je me mette de loin. Dans mes rangs, voyez les murs. Parce que je suis dans la vibration. Faut que je fasse attention. Puis, contente. Parce que là, son père, il joue pour le vrai. Ah, c'est vrai. Ça manque beaucoup aux enfants, cette affaire-là, que. Ils sont pas capables de jouer avec leurs parents. Parce que la minute que tu sors, tu vois toute la gang d'enfants nier avec toi, puis là, tu t'en as un paquet. Ouais. Ils disent ça. Ouais. On a besoin de ça. Ouais. Parce qu'un enfant, là, un enfant qui a une relation très étroite avec les parents, il n'a quasiment pas besoin d'enfant. Tu sais, ça là, il est là, il n'y a quasiment pas besoin d'enfant, un enfant qui est en relation étroite avec des parents. Mais il faut que l'enfant, il faut que le parent se fasse enfant de temps en temps. Sans ça, là, automatiquement, là, ici, il a besoin d'un break. Puis c'est là, là, que tu développes des liens avec l'enfant. Ça ne détruit plus ces liens-là. Ça grandit, puis ça grandit, puis tu finis que tu as des enfants qui. Des enfants qui aiment leurs parents, sont bêtes leurs parents. Moi, j'ai fait un voyage en Floride de ce soir, pas pour moi, je l'ai fait pour la petite. Parce que j'étais là dans la COVID, là, je pars, mais je pars ailleurs. Parce que ma femme toute seule, si je veux me reposer, pas avec un enfant, tu peux te reposer avec un enfant. Elle a eu besoin de rien. Puis de ma femme, les 2 jours qu'on est là, Disney World, c'est pour elle. Oh, ouais. Mais tout dans le cadre de la vibration. Sans ça, t'es grave. C'est pas bon. Là, on est rendu à 11 h, là, ça va être vraiment critique. Pas moi, elle. Au bout des jours, elle dit pas, je t'ai cœuré de Disney World. Moi aussi. Seulement, il faut descendre à leur niveau. Pourquoi est-ce que les balles des enfants là, ce soir? Les balles de frustration, c'est bien important. Regarde, nous autres, comment est-ce qu'on était quand on était jeune? Comment est-ce qu'on était frustrés? On commence à comprendre. On a 40 ans. Mais il dit que le problème, c'est un problème global. C'est un problème de civilisation. Là, le problème, il est vu à travers tout. Il vit à travers d'une lentille en relation avec quelques individus.

Là, on avance, on apprend très vite. C'est ça qui se passe. On apprend très vite. Parce qu'on perd plus de temps à discuter. On parle. Donc, c'est moi qui parle, c'est toi qui parle, c'est lui qui parle. N'importe qui parle. Mais quelqu'un va discuter ce que tu as. Là, on apprend. Puis, c'est ça la chance qu'on a, nous autres, ici, à Québec. Quand ça sera établi dans d'autres parties du monde, que c'est d'autres qui parlent, ça se continue. Fait qu'à ce moment-là, tu peux toucher à tout. Puis tu parles un coach autre, au lieu de perdre ton temps à philosophie et à faire de la psychologie sur l'homme, puis ses enfants, puis c'est toute la patate. Tu perds énormément d'énergie. Puis là, j'ai des beaux enfants. Il y a un bec. Tout va. Tout va. Ça sent les beaux enfants. Les autres sont en ligne, ça va les deux bords. Moi, je m'en dis quelque chose, je les rire. Moi, tes enfants, ça ne sait rien, c'est pas beau. Si les enfants sont en train de se gros de même, les petits bébés, là, si je sais que c'est une tête de cochon, il me dit rien, petit bébé. Je ne lui vivrai même pas à ça. Mais s'il y a des bonnes vibrations, je vis. Même si c'est pas bon. Ça m'a créé énormément de tension pendant longtemps. Parce que moi, ma fille, ça m'a pris bien longtemps à connecter avec elle. Je pense qu'elle avait 5 ans quand j'ai commencé à connecter. Parce qu'elle avait un beau petit caractère. Blanc, tu sais. Ça avait pris 5 ans avant de connecter avec elle. Vous vous dites la connexion avec ça. On a tous du travail. Il y avait des enfants. Il y a eu des enfants. Comme j'ai un de mes amis, des enfants. C'est vrai que c'est toujours fait. C'est. Ça part. Tu sais, si. Mais la mienne, c'était un vrai démon, cette affaire-là. Ça se couche à pas. 2 heures du matin. Toujours de l'attention. Puis attention encore, puis attention encore. Pendant 50 têtes, c'était pas un cadeau, cet enfant-là. Là, elle commence. Mais je te jure que cet enfant-là, si elle avait été d'une famille ordinaire, elle aurait rendu les parents fous net. Je l'ai eu durant l'initiation, on parle même tout comme un Disneyland. On t'apprend à mettre en poubelle. Puis là, il disait, lui en haut, il disait, tu n'auras pas de plaisir avec ton enfant avant qu'elle ait 5 ans. C'est long, 5 ans, quand tu vois qu'il y a des mecs, des enfants, ils ont des petites doux, là, ça se promène avec eux autres, qui les passent. Puis c'est tranquille, ça va taper ses fesses, ils sont convaincus. Tu sais, il y en a qui ont des enfants, c'est comme du monde. Comme elle, il y en a un, qui dort, tranquille, qui ah, c'est inquiétant. Non, mais c'est où, là, dans le séminaire? Qu'est-ce que vous dites, ça, c'est là? Concernant le temps. C'est bon. Il est pas ramené dans les parcs. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est plus vieux. Il est pl on va être pas plus bien, mais demande. Puis là, il faut ici le compliment, là. Seulement quand je vais plus vite que lui. Le petit Michel. Ah! Oh. C'était assez mauvais. Je me demandais si c'est fou, c'est une démo. Ça, c'était peut-être pas quand. J'ai tout même sans compte de misère. Mais là, vous deux, ça va être correct. Si on est deux, on est ensemble. 22! Moi, c'est ça. Je suis capable. Moi, j'étais fait, mon ami. Puis ça va pareil. Il y a plein d'enfants pareils. Moi, j'ai un ami en trois. J'étais allé chez eux au début, quand c'est rentré. J'ai dit, c'est des satisfaits, cette affaire-là. Tu rentres dans la maison, puis ils te demandent ton chapeau. Là, tu te demandes ton rôle. Des petits bouchons de tissières, des vrais butlers dans la maison. J'ai dit, si oui, j'ai dit, tu vas en avoir un autre. Il n'a eu un autre, il ne croyait pas parce qu'il n'a pas l'autre. Il n'a eu un autre. C'était un démon, Charlie. Il est où de même? Tu demandes à tout le monde dans la maison. Puis l'autre, la femme, parce qu'elle est française, quand elle était habituée à des toutous. Comprends-tu? Pendant des années de temps. Tu vas voir que tu vas changer avec lui. Tu sais, le maternel, t'as la main. Moi, avant les gens, quand elle venait chez nous, la façon que je traitais ma fille, c'est mon Dieu, Seigneur, elle me faisait des yeux de même. Tu ne sais que t'as pas un jour où tu vas être ta pilule. Aujourd'hui, avec un break. Elle avait un break aujourd'hui. C'était un démon, cette affaire-là. C'est un enfant de demain. Il voit tout, il comprend tout, il te fait des réflexions à table, des assiettes sautes à table. Il passe tard. C'est la psychologie qu'elle a fait beaucoup avant, là, elle ne l'a plus avec lui. Il rentre tout le monde dans la maison. La mienne, c'est pareil. Quand tu dis qu'un enfant qui est petit comme la sienne, ça se couche pas. 2 heures du matin, fait que je dis ça au grand haut, puis c'est de m'en faire. Il dit, là, c'est ta mère, pas fatiguée. C'est un docteur Spock, là, qui renaît. Encore fatiguée. Quand je parle de ce ciel, oui, c'est parce que c'est son caractère, il est comique de même. Il a bon caractère. Il dit qu'il donne un caractère. Petit bout de chou de même. Alors, tu comprends que les enfants, ils viennent avec des qualités, des tempéraments, des caractères, puis on les sait pas parce qu'on n'est pas assez. Fait qu'on travaille dans la beuvelette, comprends-tu? On lit Dr. Spock de temps en temps. Après ça, on en lit un autre, là, tu mets en toilette, à la télévision, par radio. Moi, j'ai travaillé dans une librairie, puis un gars, qui est un homme qui vient voir la journée, il a vu des livres. Pour comment éduquer vos enfants. J'ai dit, vous avez un enfant? Il dit, oui, ma femme, elle veut avoir un petit gars. J'ai dit, vous avez besoin d'un livre comme un livre? Il dit, oui, c'est notre premier. J'ai dit, si vous ne savez pas, vous avez pris. J'ai dit, allez-y, au pire. Vous voulez un livre? Rien. Tu as un petit break? Hein? Un petit break? Ouais. Ouais? Ouais. Il y a un petit lunch, s'il te plaît. Je te rappelle, les petits gars, comment moi, ça me fait du bien tout le temps parce que moi, ça, quand je voulais dire, je suis une matrone dans la maison. T'as pas assez pour une matrone. Quand tu es dans la vibration, là, l'enfant est en voie libre. Tu sais, l'enfant est sorti en là. Il dit, oui, ici, puis tout. Bon. Quand tu es en connexion, tu ne fonctionnes plus psychologiquement. C'est pour ça qu'il ne faut pas fonctionner psychologiquement. Il faut fonctionner par vibration. Puis quand là, que la vibration en passe, c'est un signal que c'est l'ego qui a besoin d'un choc pour l'avoir. Là, là, il ne faut pas. Si tu fonctionnes psychologiquement, tu n'arrêteras pas passer à la vibration. Tu vas avoir peur, tu avais une claque. Tu ne voudras pas être une claque. Mais quand tu t'ouvres ce canal-là, là, quand tu passes ta vibration, là, tu en as une claque. Un choc. Moi, j'appelle ça un choc vibratoire. Fait que là, tu le dresses. Le caractère. Parce que le caractère, c'est l'accumulation de toutes les évolutions antérieures. Quand tu viens au monde, il y a toute cette patente-là. Faut que ça soit dressé, ça. Faut que tu dresses. C'est toi qui dis qu'un enfant a besoin d'amour et de discipline. Les deux. Puis il dit, c'est ça qui est proche au monde d'aujourd'hui, c'est que c'est de l'amour et plus de discipline. L'éducation progressive. Mais là, les gens, ça commence à aller de l'autre bord. Avant, c'était tout l'amour. Ensuite, c'est devenu. Voilà. Avant, c'était la discipline. Ensuite, c'est devenu l'amour. Là, ils commencent à prendre longtemps dans leur expérience. Ça prend de l'amour et de la discipline, les enfants. Si tu donnes de l'amour, c'est pas bon, payer la discipline, c'est pas bon, ça prend les deux. Puis quand tu donnes un choc à un enfant, tu rebalances la vibration après, pour que l'enfant sache que tu n'es jamais fâché contre lui. Mais c'était subtil, ça encore. Ça, t'as pour lui monter, c'était pour la protéger. Hein? Parce qu'on a des enfants. Moi, ma petite fille, ça, c'est pas se protéger, c'est pour petite fille. Fait que. Elle a des mœurs doux. Elle est très douce intérieurement. Il faut qu'elle apprenne à se défendre. Puis je vais apprendre à se défendre. Parce que je vais lui donner preuve de comment ça s'appelle ça? De caractère. Tu vas apprendre à se défendre. À partir de l'an prochain. Mm. Sans ça. C'est un défouillement, c'est bon ça. Il faut qu'elle apprenne à se défendre. Mm. Mais seulement que tu sois bien enseigné. Un art martial. Quand elle va se promener, puis elle va aller voyager à New York, puis en Europe, à 18, 20, 22 ans, quand elle ne se fera pas accrocher d'un coin par un Espagnol frustré, parce qu'il va parler quelque chose. D'abord, le monde de l'éther, c'est un monde qui n'est pas connu de là. C'est un monde qui est inhabité. C'est un monde de lumière. C'est un monde dans lequel il n'y a pas de forme. C'est un monde dans lequel l'homme vit en esprit. C'est un monde dans lequel, lorsque l'homme a pénétré ce monde-là, l'homme crée des formes nouvelles. Alors, le monde de l'éther n'est pas habité. Il est inhabité. Il sera habité par la sixième race. Et pour entrer dans l'éther, il faut avoir un corps mental supérieur développé parce que c'est le corps mental supérieur qui est le véhicule de l'homme dans l'éther. L'homme ne peut pas rentrer dans l'éther s'il n'y a pas un corps mental supérieur totalement développé parce que dans l'éther, l'homme doit se servir de l'énergie de l'âme pour travailler. Et pour que l'homme se serve de l'énergie de l'âme pour travailler, il faut absolument qu'il ait un corps mental supérieur développé pour qu'il puisse être en résonance avec l'âme et